Des cacahuètes, j'en ai 17. Je vais bien, avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin. J'habite au 17, avenue des Pins. C'est Guillaume! Hey Max! Hey, ça va? Ouais, ça va toi? Eh hey, ben oui, passez une grosse semaine, pareil. Grosse semaine, hein, ouais. Je te dis. Colin, hey, je suis content de te revoir aujourd'hui dans notre petite maison de campagne du 17 avenue des Pins. Ouais, moi aussi je suis vraiment content. Écoute, après la semaine que j'ai passée, là, j'avais besoin de ça, là, passer une petite fin de semaine avec toi, là, puis... Tu sais, juste prendre un break là, de la vie courante. Oui, oh, oui, une petite journée entre frères, une petite maison de campagne, un petit verre d'eau. Oui. Il n'y a rien de mieux, je pense. Exactement. Je te dis, la vie accélère tellement, là, ça n'a pas de bon sens. Écoute, cet été, j'ai travaillé au terrain de jeu tout l'été. Oui. Puis là, ça a fini. Fait que j'ai commencé une nouvelle job déjà. Tu sais, je veux dire, une job n'attend pas l'autre. Là. Mm-hmm. Fait que, c'est quoi ta nouvelle job? Ben, je travaille au Salon de Quai. Comme l'année passée. Ouais, exactement. C'est ma troisième année que je travaille au Salon de Quai. Puis t'arrives des affaires de malade mental. Ça n'a aucun bon sens. C'est qui va jouer au quai à cette heure? Ben, souvent, à ce temps-ci, c'est plus des familles là, qui profitent des dernières journées de vacances. Remarque que donc, ça, c'est pas mal des personnes âgées, des ligues, puis des jeunes la fin de semaine là, qui viennent jouer pendant les clairs de lune. Mais les clairs de lune, ça vient juste de commencer. Okay, fait qu'on a encore très, très peu de gens. Il n'en demeure pas moins que y arrive des certaines péripéties assez cocasses. Ben, j'imagine avec des familles. Puis souvent, c'est même pas les enfants, c'est les parents. En fait, cette semaine, il m'arrive deux premières journées de travail, et c'est des parents qui font ces choses-là. Fait que première péripétie qui arrive, je travaillais la semaine passée, vendredi. Puis, ils jouent aux petites quilles, là. Comment c'est fait le salon quilles? C'est qu'il y a 16 allées grosses à partir de l'entrée. Il y a une allée au centre avec la porte du mécanicien, puis t'as 16 allées de petites à droite qui se rendent jusqu'au centre d'achat. Des grosses puis des petites quoi? Des grosses puis des petites quilles. Ah, ok. Des petites boules aussi. Ouais, ok, ben c'est ça là. Fait que ça s'interchange pas. Ça s'interchange pas. Okay. Pour ceux qui connaissent pas la différence, les grosses il y a pas de cordes, les petites il y a des cordes. Puis les grosses c'est le fun, puis les petites c'est plat. Fait que c'est ça. Shots fired! Là, il y a un papa, il arrive, il joue aux petites quilles, il est sur la première allée, là, juste à côté de l'allée puis de la porte du mécanicien, prend sa boule, la garoche dans l'allée, dans la porte du mécanicien, brise la porte du mécanicien. le gars, il faisait combien, là? Je sais pas, c'est un vieux monsieur, là. Ben, un vieux monsieur, quand même, c'est pas un vieux monsieur, là, il devait avoir une quarantaine d'années, là, un petit peu benedant, des grosses lunettes rondes, ben oui, garoche la boule. Pour détruire une porte, fallait tirer plus fort que oui, quoi. Là. Surtout que les boules de petit quai, on s'entend que ça pèse à peu près 3-4 livres. Là, parce que c'est faut que tu tires fort en tabarouette. Ah, il devait être lanceur de baseball. Là. Ce gars-là, ouais, ça se peut pas. Il démolit une porte avec une boule de petit quai. Ben, on s'entend que, premièrement, ne pas lancer sur ton allée, c'est déjà un très gros feat. Deuxièmement, le lancer dans une porte puis la détruire, c'est quand même un excellent feat. Wow. C'est très, très drôle. Je m'attendais au départ à ce qu'un enfant puisse faire ça, mais quand je vois que c'est un papa, ça me fait très, très rire. Avant, quand il arrivait des trucs de même puis que je travaillais au salon de quai, je venais comme un petit peu fâché. J'étais comme, oh non, le monde est donc bien cave. Puis à ce temps, je le prends plus en riant. Puis je me dis seulement, ben, le monde est vraiment cave. Ah, le monde est vraiment con, mais ça en même temps. Toi, t'as pas à payer pour ça. Ben, non, exactement. Ça t'affecte pas tant que ça non plus. Exactement. Fait que j'ai pas besoin de me fâcher. Je le prends juste en riant, puis je me dis... La vie est belle pareil. Là. Ben oui, c'est les petits moments de même qui font apprécier nos travails. Oui. Là, le monsieur, il est comme, « Oh là, c'est-tu correct, là? On peut-tu continuer à jouer? » Ben oui, continue à jouer. Tire dans ton allée, gros brochet. Là, le lendemain, deuxième journée de travail, ben, deuxième péripétie. Okay. Encore du monde qui joue aux petites quilles. Là, il était sur l'allée 2. Y'a-tu j'ai pas pris de chance. Même qui arrive, c'est les grosses allées. Les grosses quilles, oui, il arrive des affaires. Pas encore, là, mais oui, il arrive des affaires aussi. Okay. Deuxième journée, j'ai mis sur l'allée 2. J'ai pas pris de chance. J'ai dit, retourne pas sur l'allée 1. Ils vont pas tirer dans ma porte, tu sais. Fait que, il embarque sur l'allée. Là, la madame, elle vient pour lancer. Elle échappe sa boule dans l'allée. Fait que là, elle était pas contente d'avoir échappé sa boule dans l'allée, mais elle est partie à la course pour chercher sa boule. C'est huilé, ça, c'est huilé. Huilé. Les quatre fers en l'air, elle cul sur l'allée. Elle ne veut pas. Moi, je suis derrière le comptoir, puis je peux pas m'empêcher de rire. Je suis juste dans l'heure. Ça arrive tout le temps. C'est tellement drôle. Wow. Fait que ça, c'était mes deux péripéties de bowling. À part ça, je te dirais, j'aime quand même ma job au quai. Ok, ah, c'est relax, cool. Bien payé, puis écoute, c'est quand même surprenant. Là, un bon salaire pour laver des souliers de quille, puis rire des gens. Ah, ben, c'est pas mal pas payé, c'est le fun, ça. Yep. Moi, cette semaine, là, ça a été un peu plus rough. Crime. J'habite à Neuville. Si tu sais pas c'est quoi Neuville, ben tu dois savoir qu'il y a des fêtes gourmandes en ce moment. Ben je sais qu'il y a du blé d'Inde sucré. Hein? Ben c'est ça. Puis là, en fin de semaine, c'est comme la fin de semaine, c'est que tout le monde se souvient que Neuville existe. Ok. Puis c'est les fêtes gourmandes. Okay? Il y a des petits kiosques, de la musique, puis des spectacles. Des pestacs? Des pestacs. Des gros pestacs. Ben oui, une scène là, grosse affaire. C'est en bas de ma rue. C'est genre une cuve. Fait que c'est comme si t'es installé dans une vallée. C'est extrêmement éco, puis ça finit pas avant 1h30 du matin. Ah, oh, wow, ça va vraiment beaucoup de plaisir. Toi. Ouais, c'est vraiment le fun. Ça fait 2 jours que je dors pas avant les petites heures du matin. Ah! C'était un peu décevant. Mais là, j'y vais tantôt. Fait que là, parce qu'on a gagné à radio des coupons. La passe, c'est un petit macaron qui brille. Ok. Puis on a aussi reçu 30 dégustations. Là. C'est genre une affaire qui vaut quasiment 100$. Ça fait, c'est crème, c'est pas pire en tabac. Weekend Radio. Weekend Radio, le 107.5. Oui, non, le, non. Le 100... cette fréquence-là cette à fréquence Québec. Là, 107.5, c'est Boulevard. C'est non, pas c'est Rouge, Rouge FM. Ouais. C'est Rouge FM. Weekend Radio, c'est le... 91.9. 91.9, je pense. Je pense que c'est 91.9. Si c'est pas le 91.9, on est vraiment désolé au Weekend Radio, mais on vous aime beaucoup. Mais bref, on a gagné ça, fait que c'est vraiment cool. Fait qu'on va aller prendre ça, puis boire, puis manger gratuitement. Crime, c'est bien ça. Ben, c'est pas pire. Mais là, à cause de ça, ben on s'est dit, tant qu'il n'y a pas été capable de dormir, aussi bien mettre à profit le moment présent. Fait qu'hier, j'ai enfin été voir Suicide Squad au cinéma. Oh, merveilleux. Puis c'était comment? Est-ce que c'était au-delà de tes attentes ou en deçà? Parce que moi, j'ai entendu les critiques, puis en tout cas, ça avait pas l'air d'avoir vu. Ben, ça avait pas l'air pas fort fort. Fait que tu sais, mes attentes étaient pas très hautes, là. Mm-hmm. Mais malgré tout, c'était quand même un peu décevant. Ok. C'est, pour vrai, c'est comme... Le film est comme jamais excitant. Tu sais, au début, c'est cool. Il présente tous les personnages. Il y a comme des montages pour tous les personnages. C'est bien le fun. Puis là, un moment donné, ils font « Ah, merde, on a perdu le contrôle de telle fille. Il faut aller la détruire. » Puis là, ils font l'équipe. Puis là, tout d'un coup, l'équipe vient pour partir en mission. Il y a un Indien qui apparaît dans l'équipe. On sait pas c'est qui. Ils ont présenté tous les personnages, pas lui. T'es comme « Mon Dieu, il va-tu survivre jusqu'à la fin? » Ben oui, on a... 2 minutes dans mission, il crève. T'es comme, mais pourquoi vous l'avez inclus, genre? Ça sert à rien, là. On comprend le principe. Vous avez dit que vous avez mis des bombes, là. Vous voulez juste prouver que vous allez appuyer sur le bouton. Mais là, moi, ça m'impressionne pas. T'appuies sur le bouton sur le seul personnage que je connais pas. Fait que ça, c'était con, de un. Puis de deux, il y a Katana. Katana, c'est une japonaise avec un masque, avec un drapeau chinois dans le front. Okay. Un drapeau chinois, un drapeau japonais, c'est ouais, japonais. Logique. Puis, elle est dans l'équipe, elle se bat, mais elle sert à rien. Tu sais, tout le film aurait pu être sans elle dans l'équipe, elle apparaît genre de même. Là. Ils partent en mission. Oh oui, il y a aussi Katana. Comme, ok, mais tu pouvais pas la présenter au début avec les autres. Pourquoi, là? Pourquoi tu rajoutes des personnages qui servent à rien? Fait que ça, c'est un peu décevant. Puis tout le long, il y a comme, on se bat contre des méchants qui ont pas de visage. Ben oui, ben c'est plate, hein? Il y a plein d'ennemis qui meurent, c'est juste des gens sans visage. Tu sais, au moins dans, mettons, les Avengers, c'est des extraterrestres. Là, même pas, là, c'est des mutants, puis ils ont pas de visage. Puis là, t'arrives à dans le film, là, il y a plein d'actions, il y a tout le temps, genre, plein de balles de fusil partout. Il y a jamais aucun personnage qui mange aucune balle de fusil. Ah ouais? Aucune, là, même pas, genre, ah mon dieu, ça m'a éraflé. Rien. Non. De tout le long du film, t'es comme, ben, y a aucun danger. Fait que moi, ça m'a. C'était pas mauvais, mais c'était comme pas excitant. C'était correct. C'était hyper américain. Ouais. Pis ça finit, et crime, ok? Il va y avoir des spoilers. Eh ben oui, écoutez pas ça si vous voulez pas savoir ce qui se passe avec la fille de Will Smith. Et Will Smith, il est dans le film. Pis là, au début, lui, il joue Deadshot, qui est un assassin qui manque jamais sa cible. Pis là, lui, la raison qu'il s'est fait arrêter, attends, c'est. Laisse-moi deviner, il va manquer sa cible. Non, même, non pas. Même c'est, pas. C'est même pas ça l'histoire. Aïe aïe. Eh non. Lui, il s'est fait capturer puis s'est fait mettre en prison à cause de Batman parce que la grosse méchante qui a fait l'équipe des Suicide Squad a décidé de dire à Batman il était où Deadshot pour qu'elle puisse le prendre dans son équipe, mais pour ça, il fallait qu'il soit en prison. En tout cas, c'est bien compliqué. La misère à suivre, mais ouais, ça va. Mais bref, Deadshot a une fille. OK. Puis là, Batman est venu l'arrêter pendant que lui était avec sa fille. Mm-hmm. Puis là, sa fille, elle se met entre lui puis Batman, puis il dit « Ah non, tire pas, s'il te plaît, papa, fais-le pas! » Fait que là, Will Smith, il le fait pas, puis il se laisse capturer pour aller en prison pour sa fille. Ah! C'est correct, bon, hein? Oui. Mais là, à la fin, la grosse méchante qui est la sorcière, elle vient pour détruire le monde. Puis là, il y a le faisceau lumineux comme dans tous les films de super-héros. Oui, effectivement. Puis là... Genre Captain America. C'est ouais. Vraiment de la merde comme film. Continue. Ah ouais, c'est ça. On n'en tombera pas là-dessus aujourd'hui. Mais bref, Deadshot, il vient pour tuer la grosse méchante de fin de film. Puis là, il y a un gros plan. Puis là, il y a lui qui s'imagine sa fille qui dit « Non, papa, tire pas sur la méchante. » Comme, il est en train de sauver... C'est trop pas ça qui s'est passé. Il est en train de sauver le monde, là. Il est-tu vraiment en train d'avoir des flashbacks de guerre parce qu'il va tuer une méchante alors que ça passe toute la mission... Il tue tous les méchants qui ont pas de visage, pis ça c'est correct. Mais quand il vient pour tuer la méchante qui contrôlait tous les gens sans visage, ah ben là, il faut qu'on se sente mal, là, que lui il a passé par-dessus son ego, pis il fait quelque chose de bien pour sa fille, même si sa fille il aime pas ça. C'était vraiment, vraiment mauvais oui, comme fin bien. De film. Mais au final, c'était un petit moment ben correct. Puis ça a quand même bien fini ma semaine. Là. Ouais, ok. Ouais. Bon, mais c'est une bonne chose. Après avoir parlé de leurs semaines respectives, Maxime et Guillaume s'adonnent à l'un de leurs passe-temps favoris, la lutte. Nous les retrouvons donc au moment où Guillaume a saisi Maxime dans sa prise de soumission fétiche. Fait que c'est ça, puis là, tu sors comme ça. Pas le choix d'abandonner! J'abandonne! Hey, c'est quand même rough une prise en 4. Non, non, la lutte, là, on a beau dire que c'est arrangé puis que c'est organisé, on s'entend pour dire que c'est des vrais athlètes là, qui sont ben, là. Je comprends, as-tu vu les muscles qu'il y a ces lutteurs? Ouais, ils s'entraînent 7 jours par semaine. Ce monde-là, là, ils ont pratiquement pas de congé dans l'année. Là. Ils sont sur la route tout le temps puis ils sont toujours après de travailler. Puis moi, le monde qui se moque des lutteurs, là, parce qu'ils font un travail qui est pas vrai, puis qu'ils disent que les lutteurs, c'est juste fake, fait qu'on n'a pas de raison d'aimer ça. J'ai seulement une question pour vous. Est-ce que Star Wars, c'était fake? Et voilà. Ah, et c'est un argument indéniable. Indéniable. Fait que c'est ça. La semaine passée, c'était SummerSlam, le 20... Ben dimanche passé, là. Je sais plus c'était quelle date exactement, là. Okay. Mais... SummerSlam, c'est quoi ça, SummerSlam? SummerSlam, ça, c'est le gros show de l'été. Tu sais, il y a quatre gros shows pendant l'année, là, okay. Qui sont les quatre main shows de la lutte. Ok, laisse-moi deviner. WrestleMania, évidemment. Money in the Bank? Non, c'est pas un des gros, non. Ça. Ben, il y a SummerSlam. SummerSlam. Et il y en a deux autres. Oui. Royal Rumble. Royal Rumble. L'autre, c'est quoi? The Cell? Non. Non. Je sais pas c'est quoi le dernier gros. Hein? C'est Survivor Series. C'est les quatre gros pay-per-view de la lutte pendant l'année. Ok. Il y a WrestleMania qui est le plus gros de toutes. SummerSlam, c'est celui qui a lieu pendant l'été puis qui est comme le second plus gros, si on veut. Ok. Fait que c'est ça, il y avait une carte quand même intéressante, mais ma foi, ça a été un show plutôt décevant. Malgré tout. Oui, j'ai été vraiment surpris. D'abord, il y a peut-être eu trois bons matchs, à mon sens. Je vais juste commencer par vous dire que j'ai pas regardé le pré-show. Fait que les matchs des Dudley Boys contre Neville, je vais pas regarder ça. Neville, long du bas? Non, Neville... Adrien, Neville. Adrien! Fait que c'est ça. En fait, le show commençait avec un match vraiment excellent. C'était Chris Jericho et Kevin Owens contre Big Cass et Enzo Amore. Oui, là-dedans, j'en connais un. T'en connais un, c'est Chris Jericho. Chris Jericho. Kevin Owens, j'ai déjà entendu son nom, mais les deux autres, j'ai aucune idée. Kevin Owens, c'est un Québécois, il est un petit petit peu rond, là, puis une barbe. C'est vraiment un lutteur vraiment phénoménal, il est très très bon. Okay. Enzo et Cass sont très très drôles au micro. En tant que lutteur, Enzo, je trouve qu'il a vraiment beaucoup de talent. Big Cass, il est... ben tu sais, c'est un gars de 7 pieds. T'sais, les gars de 7 pieds, souvent, sont un petit peu sloppy, mais pour un gars de 7 pieds, il est quand même très très bon. Ok, ok. Ça a terminé à une fin vraiment surprenante. Chris Jericho et Kevin Owens l'emportent. Non. Oui, absolument. Je m'attendais vraiment pas à ça, parce qu'en tant que tel, Enzo et Cass, c'est comme la grosse équipe qu'il faut suivre en ce moment, puis ils ont fait leur début il y a pas si longtemps. Là. Ok. Puis ils ont vraiment un bon momentum, j'étais sûr qu'ils allaient gagner, tandis que Chris Jericho et Kevin Owens, ils se sont mis en équipe il y a quelques semaines à peine, puis je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils gagnent. Ok, ok. Pour l'offre la victoire, mais ça a vraiment été un match excellent. Kevin Owens a travaillé très très dur, puis Jericho, je te dirais, il est probablement dans la meilleure passe de sa carrière. Ben voyons, ouais, il a quand même eu des grosses passes. Oui, il a eu des grosses passes, mais ces temps-ci, là, son personnage... Il y a un momentum shift. Il y a un momentum shift. Ce qui fait que, ouais, vraiment surprenant comme match. La fin a été un petit peu, comme je te dis, premièrement, l'équipe de Kevin Owens et Chris Jericho, c'est bizarre. Ouais. Mais je pense que je comprends un petit peu pourquoi. À Raw, il y a eu, le lendemain, là, il y a eu... Le repêchage. Non, il n'y a pas eu le repêchage. Ce qui est arrivé, je vais le raconter au fur et à mesure. Okay, je vais revenir plus tard là-dessus. Deuxième match a été le combat des femmes. Combat que j'attendais vraiment beaucoup. Sasha Banks contre Charlotte. Charlotte qui est la fille de Ric Flair. Puis Sasha entrait comme championne, elle défendait son titre contre Charlotte. Pendant la fin de semaine, on a appris que Sasha Banks avait reçu une suspension de 30 jours pour violation de la wellness policy. Il n'y a pas de 2, 3, 4 lutteurs? Oui, il y a 4 lutteurs là, qui ont sont eu fait, qui ont la bannière 30 jours. Ouais. Puis sais-tu pourquoi? C'est souvent la drogue. Il y en a une qu'on sait, Eva Marie, ça c'est parce qu'elle s'est présentée avec des médicaments sans prescription. Ça fait en sorte qu'elle a été suspendue. Elle va encore quand même avoir son salaire. Mais la prochaine fois, ça va être une plus grosse sanction. Okay. Les trois autres, c'est pour la drogue. Sasha Banks, Alberto Del Rio et Paige qui sont fait pogner pour la drogue. Des Mexicains. Hein? Ouais. Fait résultat surprenant, oui et non. Quand on a appris la suspension, on s'attendait à ce que Charlotte gagne le titre. C'est ce qui est arrivé. Combat modeste. Il y a eu des bonnes passes pendant le combat. Moi, j'ai aimé le combat personnellement, mais il y a eu plusieurs botches. Entre autres, il y a un moment donné où est-ce que Charlotte, elle a échappé Sasha Banks sur la troisième corde. Puis je pense qu'elle s'est vraiment fait mal. Là. Elle est tombée direct sur la tête. Là. Le dos a viré. Ça, c'était vraiment pas beau à voir. Là. Okay. Je pense qu'elle s'est fait mal. Aïe. Mais elle a quand même réussi à suivre le match. Elle était où pour échapper une fille sur la troisième corde? Ben, elle était sur la troisième corde puis elle l'avait dans ses bras. Le but, okay. Je pense qu'elle voulait sauter en bas puis l'accoter sur la troisième corde. Mais à la place, elle a sauté puis elle l'a échappé. Fait que l'autre, elle est comme tombée tout croche sur la troisième corde. Et sauter, mais elle voulait sauter dans le ring? Ouais, dans la ring. Mais elle voulait laisser la personne sur la corde, genre comme accrocher une serviette? Ouais, si on veut. C'est, en tout cas, comme pour lui donner un coup de genou dans le dos, mais au lieu du genou, c'était la corde. Ouais, exactement. Ok, j'espère que tout le monde a vu cette image. Ouais, si vous la voyez pas, vous chercherez sur Internet, c'était vraiment pas un beau move. Ok. Mais bon, ça a été un combat correct, tu sais, je dirais. Suivi de ça, on a eu quel match après ça? Ça a-tu été tout de suite? Il y a eu John Cena contre AJ Styles. Un combat qu'on attendait vraiment beaucoup parce qu'il y avait déjà eu un match entre les deux, mais il y avait eu de l'interférence. Un autre match à 3 contre 3. Dans le fond, il y avait une victoire de chaque côté. Le match retour. Puis AJ Styles a réussi à pull off la victoire. Yes. Oui. Là, John Cena a terminé le combat en déposant son armband Never Give Up dans le ring. Fait que pour moi, il prend un break pendant une couple de semaines, peut-être quelques mois. Mon Dieu, il give up. Ouais, il a give up. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. Fait qu'on le verra plus. On le verra. C'est tellement drôle, Maxime, parce que quand que la musique de John Cena a commencé, il était à Brooklyn. Puis la musique, là, tu connais la musique, là. Ouais, tout, ouais. Tout, tout, tout, tout. Quand ça faisait tout, tout, tout, tout, toute la foule, ça criait « John Cena sucks ». C'était tellement drôle. Mon Dieu, c'est-tu un... Un moment de Kurt Angle qui est en train de se passer avec John Cena. Tellement, c'est très drôle. Enfin bref, AJ Styles a gagné. Ça a été le combat de la carte. Ça a été vraiment un excellent combat. Ça en est suivi un match en équipe, si je me trompe pas. Ça a été le New Day contre Doug Gallows et Karl Anderson. OK. Finalement, le New Day a fini par perdre par disqualification. Ce qui est arrivé, c'est que Big E était blessé. Il est revenu de sa blessure, il est entré dans le match pendant qu'il y avait le match, puis il a attaqué les deux, il les a tirés dans les poteaux, parce que les deux, ils étaient entrés... C'est vraiment bizarre, là, Jon Stewart était là, puis il était avec le New Day. Ben cas, voyons donc! La grosse affaire. Il était en train d'attaquer Jon Stewart. C'était le match gimmick de la, ouais, de la le journée. Le match gimmick là. De la journée. Là. Savais-tu que l'année passée, il y a le gars qui jouait Arrow qui s'était battu à SummerSlam, oui. Il se battait contre Cody Rhodes. Oui. Puis là, cette année, dans Arrow, Cody Rhodes va jouer un personnage dans Arrow. C'est très jouer un méchant. Fait que là, ça va être comme le retour de la chandelle. Ah, ça va être malade. J'ai l'impression que j'oublie un match là-dedans. Je sais qu'il y avait le combat Brock Lesnar contre Randy Orton. Ça a été le dernier combat de la carte. Encore une fois, très décevant. Oui, j'oublie un combat, puis je vais revenir après. Très, très décevant. Écoute, pour on attendait ce match-là. Ouais. Oui, mais il n'y avait pas une bonne chimie dans le ring. Les prises étaient comme tout le temps un peu moches. Quand il faisait des souplesses, Brock Lesnar, Randy Orton ne suivait pas pendant tout. C'était vraiment pas très beau. Penses-tu que Randy Orton a peur de Brock Lesnar? Je pense pas. Je pense que Randy Orton, on dirait qu'il s'en fout de sa job. On dirait qu'il s'en fout d'être lutteur. Il n'y a aucune émotion au micro, je trouve. Puis en tout cas, j'ai l'impression qu'il en a vraiment perdu sur ce point-là. Ah, ouais, il vieillit. La vipère mue. Ouais, la vipère mue. Il perd toutes ses écailles. Ça a du bon sens. L'autre match que j'oublie, en fait, j'oublie plusieurs matchs. Mon Dieu. Et bon Dieu, il y en a des en matchs dans une soirée de SummerSlam. Apollo Crews contre The Miz. Okay. Ça a été un match. The Miz, il lutte correct. Encore. Oui, il lutte encore. Il est champion intercontinental. C'était pour la ceinture intercontinentale. Okay. Puis finalement, The Miz a fini par gagner sur une fin. Le match n'a pas duré longtemps, ça a duré une dizaine de minutes, il a gagné sur son finisher, il l'a fait juste une fois, rien de surprenant, là, tu sais, combat correct, là, rien de très très flamboyant pour un SummerSlam. Il y a eu le match Rusev contre Roman Reigns, la pire blague qu'il n'y a pas. Les deux sont arrivés, Roman Reigns puis Rusev se sont tapés sa gueule avant le match n'a jamais eu lieu. Ah, ben oui, la fameuse tactique du... Regardez ce match incroyable, il n'y a pas de match. Exactement, ça a été vraiment lame, tout le monde était pas content, moi aussi j'étais pas content. Là, c'était-tu en début de show? C'est-tu non, c'était l'avant-dernier match. Juste avant Brock Lesnar, puis... C'est genre, wow. Ouais, okay. C'était vraiment pas beau, là. Puis ce qui est encore plus décevant là-dedans, c'est que t'as Brock Lesnar puis Randy Orton qui se terminent sur un KO. Parce qu'à la fin, je ne l'ai pas dit, Brock Lesnar a gagné parce qu'il a donné un coup de coude d'en face à Randy Orton puis s'est mis à pisser le sang comme un malade mental. Pour vrai? Oui, ça avait aucun bon sens. Là. Ça coulait comme une champlure. Puis d'ailleurs, Chris Jericho, il était pas content. Il s'est battu avec Brock Lesnar en backstage après parce que c'était pas prévu qu'il saigne comme un cochon. C'était prévu que ça finisse en KO, mais c'était pas prévu qu'il saigne comme un cochon. Puis juste avant, puis t'as le match qui a même pas lieu. Puis juste avant ce match-là, c'était 3 contre 3 des femmes, je te l'ai pas raconté. Okay. Retour de Nikki Bella, c'est les méchantes entre guillemets qui ont gagné. C'est un combat de femmes 3 contre 3. Là, ils ont juste fait des finishers, puis ça a été un peu laid. Et le dernier match que j'oubliais, un match encore très très plate, c'était Dean Ambrose contre Dolph Ziggler pour la ceinture de la ceinture de SmackDown. Là. Puis Dean Ambrose a gagné, rien de très surprenant, mais je sais pas, encore une fois, j'ai l'impression que le match était un peu vide, des prises un peu ratées. Dolph Ziggler lutte très très bien, Dean Ambrose, j'ai l'impression comme champion, il l'a pas pendant tout. Là. En tout cas, j'ai hâte qu'il change la ceinture demain, parce que Dean Ambrose, il me déçoit beaucoup. Je pense que là, on a vu à SmackDown, c'est AJ Styles qui va se battre contre Dean Ambrose pour la ceinture au prochain pay-per-view. Ben, s'il a réussi à battre John Cena, il va battre Dean Ambrose. Ben, je le souhaite très fort, Carly. Oh, shit. Il mérite tellement. Ah. AJ Styles, c'est le meilleur lutteur qui a pas point barre ligne. On peut même pas s'obstiner là-dessus. Puis, j'oubliais un autre match. Voyons, ben, voyons donc. Ça, c'est le match dont je te disais, je vais revenir plus tard. Seth Rollins contre Finn Balor. Balor qui monte de NXT, c'est son premier match. En pay-per-view pour Raw, gagne la ceinture universelle contre Seth Rollins. C'est quoi la ceinture universelle? C'est la ceinture de Raw. Il y a le World Heavyweight Champion à SmackDown, okay. La ceinture universelle à Raw. Puis la WWE, elle? Ben, c'est celle de SmackDown. Là. C'est Ok, elle a unifié, là? Ouais, elle a unifié, elle est restée à SmackDown. Ils ont créé la ceinture universelle pour Raw. Puis c'est le nouveau qui gagne. C'est le nouveau qui gagne. C'est bien hot. Il est tellement hot, là. Il est peinturé, genre, de la... Ah oui, j'ai vu là, ça, il a l'air d'un démon, oui, là. Oui, c'est ça, le Damien King, Finn Balor. Ah oui! Gagne la ceinture, il se blesse pour 6 mois. Fait que là, à Raw, ils ont annoncé qu'il va avoir un Fatal 4-Way pour la ceinture. Puis c'est pour ça que je te dis, je pense que j'ai compris pourquoi ils ont mis Chris Jericho avec Kevin Owens. Kevin Owens s'est qualifié pour le Fatal 4-Way. Big Cass, Roman Reigns, puis Seth Rollins. Fait que ça va être les 4 en Fatal 4-Way lundi prochain pour la ceinture. OK. Puis, pourquoi je pense que j'ai compris pourquoi ils ont mis Chris Jericho puis Kevin Owens? Je pense que Kevin Owens va venir pour gagner, créer une jalousie entre Chris Jericho puis Kevin Owens. OK. Il va avoir un feud entre les deux, je pense. Ah, ben c'est cool. En ça serait vraiment cool. Tu m'en parleras la semaine prochaine, ben, je vais t'en parler la semaine prochaine. On va faire le retour sur ça. Mais vraiment, le SummerSlam était pas fameux. C'était pas fameux. Raw puis SmackDown étaient quand même bons cette semaine. Ok, fait que il y a eu un bon post-pay-per-view, mais le pay-per-view en tant que tel, ça aurait pu créer plus de flamèche. Tu sais, si je devais le noter sur 10, je vous donnerais 4 ou 5 sur 10. Là. Okay. Vraiment pas fameux. C'est décevant. Ouais. Mais, si tu veux, tu peux pas tout le temps pogner la cible. Non, exactement. Mais c'est ça, ça ressemble à ça, c'était le notre... c'est ça, j'ai brisé le kayfabe. Là, je vous ai raconté ce qui s'est passé pendant la lutte cette semaine. Très content, on va terminer comme pour la fille de Ric Flair. Ayant parlé de la carte aussi longtemps, Maxime a soudainement une idée de génie et quitte son siège en direction de son garde-robe, dans la pièce d'à côté. Il revient s'asseoir, une boîte entre les mains, sous l'œil étonné de son frère Guillaume. Hey, c'est quoi cette grosse boîte-là? Ah, Guillaume, tu me fais penser à quelque chose. C'est des cartes Magic. Des cartes Magic. Ok, bon, là, vous pouvez pas voir la boîte, là, mais c'est une Christie de grosse boîte. Ça n'a pas de bon sens. Il doit avoir 4000 cartes, quoi. Je pense que c'est ça. C'est à peu près 5000 cartes qu'il y a dans 5000. Une boîte de même. C'est absolument énorme. Oh oui, ça, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes, je me suis fait donner là-dedans. Ok. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui stannent des cartes Magic. Je comprends pas pourquoi. Moi, je trouve que c'est un passable, c'est un jeu vraiment le fun. Tellement. J'ai recommencé à jouer récemment, d'ailleurs, avec mon ami Stevens. Shout-out à Stevens. On joue des parties en 2 contre 2. Hey, joue hier, ça va pas ton sens, la partie a duré 1h40. Une game en 2 contre 2, ça avait aucun bon sens. J'avais un deck vraiment fort, puis Steven, ça faisait rien pour m'aider. Genre, j'avais une créature 29-29, lifelink, puis je pouvais rien faire, parce que l'autre, il y avait des tokens, il faisait juste bloquer avec un token 1-1, fait que je pouvais pas l'attaquer malgré tout. J'avais une autre carte qui était Flying 3-3 Trample. Mais, tu sais, je veux dire, faire 3, eux autres, ils regagnaient des points de vie à tous les tours. Puis Stevens, lui, il pouvait pas attaquer parce qu'il aurait perdu toutes ses créatures contre des tokens. Ça, c'est plat. T'as un bon combo, tu manques un peu de chance. Ouais, exactement. C'est fini. Parce que j'amenais la game avec juste 4 mana, en tout cas. Wow. Mais, bref, moi, en ce moment, j'ai plus mes decks. Mes decks, ils sont comme défaits. C'est tout en mode classification. Ouais. Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec les cartes Magic, parce que là, on va pas se faire des decks en audio, ça serait non, un peu plate, ça serait mais vraiment on moche. Pourrait jouer. Bon, non, on pourrait se faire une game. Bon, ouais, on pourrait jouer en audio, ça c'est clair. Mais il y a un autre aspect que j'aime beaucoup dans les cartes Magic, c'est ce qu'on appelle les flavor text, ou les textes savoureux, qu'on pourrait dire en français. Les textes en italique. Ah oh, oui, sur les cartes Magic, il y a plusieurs éléments, il y a le coût en mana pour le jouer, il y a comment est-ce que tu peux le jouer, quel type de carte, qu'est-ce que ça fait, la toughness, l'attaque. Il y a toutes ces affaires-là. Mais il y a une affaire aussi qui s'appelle le flavor text, comme je disais. Et ce petit texte est en italique. Ce sont des écrivains chez Dragon of the East Coast, Wizards of the Coast. Okay. Ça, c'est la compagnie qui fait Magic. Okay. Qui crée comme l'univers de Magic. Mm-hmm. Donc, sur chacune des cartes, il y a souvent le flavor text qui explique un peu la carte ou qu'il y a des citations des personnages connus dans l'univers de Magic qui sont supposés comme mettre dans l'ambiance puis créer. Comme ici, j'ai une carte qui est vraiment mauvaise qui s'appelle Ghostfire. Et Guillaume peut voir ici que j'en ai à peu près 20 copies. Ouais, c'est vraiment c'est pas bon. Sick. Puis, je vais vous traduire librement le flavor text qu'il y a dessus. Seulement ceux qui ont reçu l'œil du Guin, l'esprit du dragon peut voir son feu. C'est le Ghost Fire, la carte en passant. Donc, vous voyez, le Ghost Fire, c'est relié avec l'œil du Guin, l'esprit du dragon, puis c'est comme ça qu'on peut voir le Ghost Fire. Fait que c'est comme l'anneau de Sauron, si on veut. Oui, si on veut, mais là, dans ce cas-ci, c'est un dragon. C'est un dragon. Et moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait se créer des petits poèmes, oh. Genre des haïkus avec 3 cartes qu'on pigerait au hasard, puis comme ça, on pourrait se faire comme des poèmes magiques. Ça serait vraiment beau. Fait que je vais prendre comme un paquet de cartes ici. Ici, t'as des colorless. Je vais peut-être te trouver peut-être une autre couleur, là. Ça serait plus le fun, parce que colorless, toutes des machines. Il y a moins... C'est moins magique, hein? Ouais, c'est comme des artefacts, c'est pas cool. Là. Ben non, c'est pas cool. Viens. Ah, il y a du rouge. Ah, du rouge, ça va être. C'est juste des lands. Ah, mon dieu, t'es tombé dans. Hey, mon dieu. Ah, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Ouais, ben il y a des lands. Il y a pas mal de lands. Ah, il y a des double lands. Oh, oh, des double lands, ça c'est excitant. Ok, ok. Ben moi aussi j'ai envie de trouver des une couleur pas pire, parce que là... Je pense que je vais prendre juste des double lands parce qu'il y a des... Il y a des flavor text sur les double lands. Flavor text sur les double lands. Oh mon dieu, ça va être savoureux. Hey, j'ai pris du bleu. Je vais te faire un petit poème bleu. Tu vas voir. Hein, hein. Fait que là, on pogne des cartes. On va les mélanger au hasard. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme poème. Je te laisse commencer, Guillaume. Ok. Est-ce que je le lis en français ou en anglais? Comme tu le sens, okay. Tu te sens mieux. The scarred rubble around the gate is testament to past meetings of the clans. Summits that inevitably devolved into brawls. Without the interfering ends of civilization, nature will always shape itself to its own needs. Maze runners who passed through the Rakdos gate leave behind their scruples and a significant amount of skin. C'est beau! C'est vraiment... Hey, étonnamment, je trouvais que ça fitait quand même pas mal. Ouais, les trois trucs ensemble, ça parlait de guerre, de la nature, ouais. la nature de l'être humain. Moi, je pense que ce que ça me reflète, ben, tu sais, j'ai mis beaucoup d'efforts dans cette lecture, dans cette écriture. Ce que ça me reflète profondément, c'est qu'après la guerre, après que tout soit anéanti, la nature ne va pas hésiter pour se forger elle-même une nouvelle identité. Et que malgré tout, il y aura toujours des gens pour transformer cette nature, peu importe où elle se trouvera. Ça va venir jusqu'à la peau et déchirer la peau des gens. Wow, c'est vraiment une belle analyse. Ça s'attaque à la chair. Je trouve vraiment que ça représente les cartes vertes-rouges comme que tu as choisi. Tellement, Ah, wow, c'est le rouge. Touché. Le rouge, c'est l'attaque, c'est la force. Mais le vert, c'est la nature, c'est les créatures. Hein? Je pensais jamais que ça fitterait autant. Moi, ici, je vais vous présenter un petit haïku magique bleu qui se tient un peu dans les merfolk et les vaisseaux. Est-ce qu'on devrait dire le nom des cartes pour ceux qui sont intéressés à se procurer ces cartes? Ah, peut-être. Oui, on va vous dire. Le premier haïku était une présentation des cartes. C'était Gruul Gilgate, Evolving Wilds et Rakdos Gilgate. Deux Gilgate et un Evolving Wild. Oui. Donc, c'est à mon tour. Je vais essayer de le traduire librement. J'aime quand même ça. Ok. L'équipage d'un vaisseau est au nombre de trois. Le pilote, le fusilier et le vaisseau lui-même. On les a surmenés. On est plus qu'eux. Chargés, chargés. Mais où êtes-vous? Je suis seul. Rentrez, rentrez. Le monde, au-dessus de la couche fine d'eau, doit être monitoré et, nécessairement, ajusté. On a vraiment senti la détresse dans ce que tu as lu. Oui, au début, c'est l'histoire d'une personne, d'un équipage sur un vaisseau, mais à l'attaque... Quand ils sont en train de se promener sur l'eau, ils sont rendus seuls. Tous les autres vaisseaux les ont abandonnés. Puis les gens qui vivent dans l'eau, les merfolk ont dû les attaquer et détruire leur vaisseau. C'est vraiment une histoire. Oui, on voit l'évolution là-dedans. Il y a des gens qui ont voulu attaquer les merfolk, mais les merfolk sont trop forts. Ce petit haïku était une présentation du Living Airship, du Withdraw et du Mero with Sniper. Allez. J'en ai un qui peut être intéressant. Je vais essayer de faire une traduction libre, si tu me permets. Mais oui, vas-y, vas-y. Un changelin fera la mimique involontaire du plus près. Parfois, il échangera sa carapace pour des griffes. Dilué, le gant de lune peut déchirer les tissus humains. Concentré, une goutte tuera un géant. Applique la feuille orange à une blessure à l'aurore pour la nettoyer. Tu peux la prévenir, la même blessure, d'arriver une seconde fois. On voit vraiment la tortue qui a échangé sa carapace pour des griffes, qui s'est attaquée avec la pierre de lune, avec le gant de lune à une créature quelconque. On voit maintenant même comment la soigner. C'est un poème chaman, en fait. Ah, ok! C'est les chamans qui récitaient ce poème-là pour aider les gens à guérir de maladies quelconques, d'infections, de blessures. Il y avait juste à réciter ça, appliquer leur solution, puis tout était réglé. Mais c'est vraiment recherché, je pense, comme poème. C'est difficile à comprendre, je peux comprendre, mais... Ouais, surtout la fleur orange. Ouais, la fleur orange, elle me perturbait un peu. Oui. C'est une superstition Kitkin, c'est dans la mythologie Kitkin. Ah ok, les Kitkin c'est évidemment des créatures bleues. Ouais. C'était un mélange de Turtle Shell Changeling, Moonglove Extract et Herbal Poultice. Oh, wow, Herbal Poultice, c'est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup. Ouais, je sais. Hey, je terminerai avec un petit poème blanc qui est un mélange de trois griffons. Donc ici, on va pouvoir voir la vie. Et du griffon en trois petits versets. Tes griffons. Vas-y. Un griffon n'est pas seulement que les aigles. Je vais recommencer. Un griffon n'est pas seulement que les ailes d'un aigle et les griffes d'un lion. C'est aussi la force de son cœur. Après s'être battu avec les riders griffons, les plus vieux chevaliers de la thune ont appris à admirer les montagnes qui peuvent transformer les ennemis en de milliers de petites pièces. J'ai dit montagne, c'était monture. Monture. La monture qui peut détruire les ennemis en un tas de petites pièces. Je vois. Mais une fois que la sentinelle griffon a adopté un territoire comme le sien, seulement la mort peut l'enlever de son territoire. C'est beau, un griffon. C'est vraiment beau. C'est majestueux. Ah oui, le mélange des trois, mais c'est pas juste ça. C'est aussi une monture et une créature qui aime prendre possession de ses territoires. C'est une personne qui va défendre son territoire jusqu'à la mort. Wow. Je pense vraiment que ça m'a agrandi. Être une créature mythique, je serais un griffon. Oui, je pense que le griffon, c'est ce que je serais. Pour se remettre de leur émotion, les frangins prennent une pause bien méritée. Après s'être rafraîchis et avoir consulté les nouvelles du sport, Maxime appelle sa sœur Marie-Pierre qui ne se doute pas qu'elle est enregistrée pour une émission de web radio. Allô? Ça va? Ouais, ouais. Hey, on t'entend mal, t'es où? Je t'en sors. Ah, ok. T'es-tu en train de conduire avec ton cellulaire? Ouais, je suis sur haut-parleur. Ok, tu t'en vas où? Ouais, c'est pour ça que tu m'entends mal, mais attends un petit peu, j'arrive, là, fait que... Ah, ok, on va te laisser te parquer. Ouais, tu vas mieux m'entendre. Ouais, merci. Ça va? Bon, ok, non, je t'attendais mental. Ok. De ça, c'est pas nouveau, là, mais je ouais. Comprends, là. Ben, c'est ça. Tu comprends maintenant. Ok. Quand vaut l'honneur de votre appel? Ben, je suis en train de regarder les nouvelles sur TVA Sport, puis j'ai pensé à toi. Ouais? Ok, savais-tu que Las Vegas avait annoncé le nom de leur équipe de hockey? Ok, vas-y. C'est, ben en fait, déjà toi, si tu devais faire un guess, tu penses que ça serait quoi leur nom d'équipe de hockey? J'ai pas de guess là, sérieux, vite de même. Genre les casinos de Las Vegas? Ouais, des affaires de même. Ok, là. Mais non, en fait le nom qu'ils ont choisi c'est les Desert Knights, c'est ça? Oui, les... Desert Knights? Les Desert Knights, les chevaliers du désert. un peu comme au début de... Voyons, Seul au combat, des bébés. Ah, oh, mon doux! Sais-tu c'était quoi les trois autres noms qu'ils avaient pensé choisir? Non, vas-y. Les Desert Hawks, les Red Hawks, pis les Night Hawks. Les Night Hawks? Ben déjà, il y a déjà les Black Hawks, fait que ça aurait été un peu con, pis il y a déjà les Red Wings. Fait que je comprends pas pourquoi... Ben je trouve qu'il y a quand même fait le meilleur choix dans tout ça, là. Ouais, mais quand même, Desert Knights. Ben oui, pis là, le propriétaire a déjà comme réservé tous les noms de domaines sur Internet, là, les LasVegasDesertKnights.com, VegasDesertKnights.com. Ils veulent être sûrs que personne vole leur nom d'équipe de hockey. Ah mon dieu, mais ils ont pas encore de logo, là? Non, ils ont pas encore montré le logo, mais tu sais, c'est quand même pour l'année prochaine, là, ils ont le temps encore. J'ai très hâte de voir. Ben nous aussi, je veux dire, ça va faire bizarre d'avoir une équipe genre dans le désert. C'est déjà qu'il y a Phoenix, mais là c'est vraiment genre dans un casino. Ouais, c'est vraiment fucké, mais c'est sûr qu'il va y avoir du monde là-bas. Ben vraiment, ben dans le fond, je voulais juste te parler de ça. Et toi, tu t'en allais où de même? Je m'en allais chercher Jack avec mon ami, on s'en va sur le bord du fleuve. Ah, c'est cool ça! Avec Jacques. Vous allez vous promener avec Jacques pis Jack? Non, Jock, c'est le nom de Jack, mais mal dit. Hein. Jacob, Gilles. Ah, oh, c'est cool. Fait que ton amie est avec toi, puis elle m'entend? Non, elle t'entend pas, je pense. Ah, ok. Ah, oh, ben, ouais. Oh, ben, c'est cool, merci. Ben, on te dérangera plus, je te dérangerai pas plus longtemps, là. Ouais, là, tu gosses. Ben non, mais je sais, mais je trouvais ça trop important de t'en parler. Hein. C'était très important, moi, je trouve. Ben oui, c'est vraiment important. Fait que ben, je vais continuer de manger mes Tostitos pis regarder TVA Sport pis ben, on se revoit bientôt, là. Ok, à bientôt. Bye bye. Bye. J'aime fou, mais plus. Elle, dans sa tête, c'était un appel complètement normal, là. C'est comme, ok, Maxime a décidé de me raconter quelque chose de random, là. Oh mon doux! Ce petit, je sais pas si on peut appeler ça un coup de téléphone, mais ce petit appel surprise a marché à un point tel que j'ai déjà hâte à notre prochain appel surprise. Tellement. Fait que si jamais y a des gens là, qui voudraient envoyer du courrier au 17 Avenue des Pins, ben si jamais vous voyez des nouvelles de même qui pourraient être drôles de raconter à des gens, ben vous pouvez nous l'envoyer. Puis si jamais vous avez des gens aussi que vous aimeriez qu'on appelle pour raconter des nouvelles, ben... Vous pouvez envoyer leur numéro aussi, puis peut-être qu'on va les entendre dans une prochaine rencontre. Tellement. Oh mon doux, c'est parfait. J'aime trop ça. J'étais plus capable de rire, pour vrai. Je me bouchais le nez puis la bouche parce que on m'aurait entendu. C'était si drôle. Oh wow. Moi non plus, je me pouvais pas au début, là. Je riais. Oh, wow. Savais-tu? C'est tellement con comme appel. Il n'y a pas que dans les déserts de Las Vegas qu'il a fait chaud cet été. Les températures des dernières semaines ont laissé un fini bien gras dans les cheveux de Maxime. Guillaume prend donc sur lui de réparer ce problème capillaire avec un grand bol d'eau chaude, du shampoing et des questions de culture générale. Est-ce que la température est bonne? Ah, c'est un peu chaud, mais c'est bien. Merveilleux. Ça me masse. Fait que t'as 4 minutes pour répondre aux plus de questions de culture geek possible. Et qu'est-ce qui va arriver après ces 4 minutes? Après ces 4 minutes, tu vas avoir les cheveux propres. Oh mon dieu! Ok. Donc, je peux juste répondre pendant que j'ai les cheveux sales. Exactement. Ok. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Fait que je te lave les cheveux. Je vais mettre un chronomètre pour être sûr de pas me tromper. Super. Je vais absolument avoir la bonne durée de temps. Je te fais confiance. Parce que sinon ça, ce sera pas juste pour les autres participants. Ben, j'espère. Le chronomètre. Okay. Il est juste là. Est-ce que vous êtes prêts? Premier participant, à question pour un shampoing. Ok. 3, 2, 1. C'est parti pour 4 minutes. Oh, c'est bon les cheveux. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, qu'est-ce qu'un casteur? Oh, c'est quelqu'un qui fait de la magie. Je vais prendre une deuxième réponse si t'en as une. C'est un magicien. Je vais donner une bonne réponse pour 2 points. C'est un lanceur de sorts. Ah oui. Le casteur est un mot franglais qui fait référence au verbe anglais to cast, signifiant lancer. Le vocabulaire de Donjons et Dragons est fait de néologismes élaborés à partir de deux langues. Okay. Le plus grand joueur parle bien sûr couramment la langue de Donjons et Dragons. Wow, ça fait une bonne réponse pour moi. Une bonne réponse, deux points. Ding! Oh, deuxième question. Oh, ça tire un peu. Oh, ça tire un peu? Ah oui. On va y aller un petit peu en profondeur. Okay. T'as un cuir chevelu, ma foi, qui est très gras. Ah, Il va falloir faire attention à ça, mon ami. Ah oui, oui, mais c'est à cause des graves températures qu'on a eues durant la semaine. Oui, je comprends. Avec les fêtes gourmandes, vous avez passé plusieurs temps dehors. Ah oui, manger un peu plus gras. Deuxième question. Oui. Daredevil est un super-héros, mais il a un handicap et de taille. Lequel? Il est très aveugle. Il est très aveugle. Un point. En anglais, Daredevil signifie littéralement « tenter le diable ». C'est à la suite de l'accident qui lui fit perdre la vue que Matt Murdock développe ses autres sens à un niveau super-humain. Oh, wow, c'est un vrai casse-cou. Tu t'en viens vraiment avec les cheveux doux, mon ami. Ah ben oui, mon Dieu, c'est les bonnes réponses qui font ça à ma tête. Oh que oui, moi je peux te gratter en profondeur quand tu as les bonnes réponses. Merci. Oh, de quel écrivain et de quelle œuvre le jeu vidéo Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth s'inspire-t-il? Oh mon Dieu, je me souviens plus de ses premières. HP, comme les ordinateurs. T'as un bon début. Puis Lovecraft, comme Minecraft. Oui! Wow! Maintenant, je veux le quelle œuvre? On est l'écrivain, il faut l'œuvre. Ah, oh, le Necronomicon. Deuxième chance. Écoute l'eau, s'il te plaît, viens me sauver, je t'aime. Non, c'était The Shadow Over Innsmouth. Le cauchemar d'Innsmouth est une nouvelle de Lovecraft, maître de la science-fiction et de l'horreur. Stephen King a dit à propos de cet auteur culte qu'il fut le plus grand artisan du récit classique d'horreur du 20e siècle. Purée, donc c'est un demi-point. C'est un demi-point, tu fais un point au lieu de deux. Ah, oh, ben je sens mes bouts qui sont vraiment plus secs. Maintenant, on va se rendre aux oreilles si tu veux bien. Oui. Mon beau. Waouh, que tu viens avec une belle chevelure, des cheveux noirs. Ah, oh, oui, c'est foncé, hein, c'est un brun foncé. Très, très foncé. Oh, pourquoi Albator a-t-il une cicatrice en travers du visage? Parce qu'il s'est blessé au visage. Il met encore? Il y a quelqu'un qui l'a fait mal. Oui, c'est qui. C'est parce qu'il a perdu un œil lors d'un combat contre les humanoïdes. Pas les humanoïdes. Oui, pour ces vrai. Derniers tueront aussi la femme de sa vie, Maya, la voix de la liberté. Maya l'abeille. Je ne savais pas. Mon Dieu, je sens mes cheveux qui restent gras. C'est mauvaise réponse, c'est plein de mauvais karma. Ok, oui, je vais gratter plus en profondeur. Il te reste une minute pour répondre à des questions geek. Oh! Dans le monde de brut des jeux de bagarre des années 1990, un bijou de prouesse technique et esthétique sort du studio Novotrade. Quel jeu proposait un véritable voyage aquatique sur Mega Drive? Echo le dauphin. Très bon pour 3 points. Dans l'univers du rétro gaming, Echo est connu pour son graphisme léché, requin, pieuvre, oxygène manquant. Echo connaîtra bien des galères avant de retrouver sa famille. Ben oui, c'est pas très bon par contre. C'est beau là, mais c'est pas très bon. Non, j'ai vraiment pas aimé ce jeu. Dans le même style, je préfère beaucoup Donkey Kong. 23 secondes, vite. Et il me reste à la date d'une question. The Green Lantern est un comics de Marvel ou de DC? C'est de DC, 132. Comics. Marvel et DC Comics sont deux maisons d'édition américaines rivales spécialisées dans la bande dessinée comics en anglais. C'est Marvel qui remportera le duel dans les années 70-80, l'âge d'or des comics de super-héros. Il te reste seulement 2 secondes, je pense que ça va être la fin de ton shampoing, mon ami. Donc c'est un 4.5 sur 6. Ça te fait 2 points, 3 points ça fait 5. Ça sera pas bien long. Mais mon Dieu, le calcul, le buffet, c'est stressant. 7 points. 7? Bon Dieu, j'en ai répondu à des points. Questions. 9 points, mon ami. Sur combien? Sur une possibilité de... De 12 points, 9 sur 12. Donc j'ai la note de passage. De la note de passage, tu vas avoir des cheveux très très propres, mon ami. On va terminer, s'il te plaît, peux-tu pencher ta tête vers l'arrière quelque peu? Non, je ne peux point. Le rebord. 1, 2, 3. Le rebord du truc est trop haut. Maintenant, ça va être la période de séchage, si tu le veux bien. Oui. Est-ce que je peux me relever? Vous pouvez vous relever, monsieur. Oh. En tout cas, ça fait du bien. Merci, Guillaume. Je me sens instruit, intelligent et propre. C'est hyper thérapeutique. C'est une technique qui a été développée par Freud dans les années 1900. C'est une thérapie qu'on appelle la thérapie par le jeu. Oh, on s'amuse et on a du plaisir et on fait du bien pour nos soins corporels. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va se laver la prochaine fois? Lavons-nous les mains. C'est donc les cheveux secs que Maxime part en direction de la salle de bain pour une petite pause pipi. De retour dans le salon, téléphone à la main, il a fort envie de parler du jeu auquel il a joué alors qu'il avait les fesses bien ancrées sur le bol de toilette encore tout chaud. J'ai téléchargé le jeu que tu me dis de télécharger sur mon téléphone avec les pingouins. Là. Oui, j'ai commencé à jouer cet été, c'est vraiment cool, ça s'appelle Adventure Beaks. Ça a été développé par... comment ça s'appelle? Je sais plus. On voit leur logo au début d'habitude. Je vais aller dans Exit. J'imagine qu'on va voir leur... Mais oui, tu peux même pas le voir dans le... C'est Game Resort. Ouais, Game Resort. Game Resort, en 2014, ça a été développé. Moi, je trouve ça vraiment sympathique comme c'est jeu. C'est vraiment un bon petit jeu. Là. C'est... T'as les pingouins qui glissent, puis qui glissent, puis qui glissent. Puis là, faut que t'évites les autres animaux, puis la glace, puis les pics. Puis il faut que tu ramasses des trucs magiques dans le chemin. Vraiment un bon petit jeu. Là. Moi, t'as le temps d'ouvrir ça, puis ça roule vite. Puis t'as le temps de faire des petites parties pendant que t'es aux toilettes. Là, t'as combien de tableaux terminés, toi? 21 au complet, 22 il me manque un élément magique. J'en ai 28 au complet dans le fond. Les 25 du premier monde puis les 3 premiers du deuxième monde, c'est tellement difficile. Dans c'est vraiment du stuff pour vrai. Ça a aucun sens. Ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que tu peux... Ce que j'aime vraiment, c'est qu'on peut personnaliser notre équipe de pingouins. Oui! Fait que tu sais, tu pognes des... t'as-tu vu l'habit du jour? Il y a comme des haut-parleurs de cœur puis établis full en swag. Moi, c'est pas le même. Hey, on a pas le même truc du jour. Ben non, nom d'une pipe. Toi, c'est nom d'une pipe tout d'un coup. Toi, c'est un... C'est un inspecteur. C'est un Sherlock Holmes. Ah oui. Mais là, c'est cool. Fait que là, tu peux modifier ton équipe puis tu peux choisir son nom puis son linge. Là, il y a plein de trucs que tu peux changer. C'est un peu comme des mi, mais c'est des pingouins. Si on devait coter sur 5 étoiles, je dirais que ce jeu-là, je lui donne à peu près 4 étoiles sur 5. Là. Ce qui manque... Ben en fait, le seul point négatif que je vois, c'est qu'il y a beaucoup trop de publicité. Pour jouer pas de publicité, faut que tu te mettes en mode avion, mais à la fin, c'est tellement difficile qu'il faut que tu utilises les vies supplémentaires, ce qui t'oblige à ne pas jouer en mode avion. Fait. Ouais, ils veulent absolument voir leur pub, mais tu sais, à chaque tableau, là, il est en affiché. Ouais, exact. C'est un peu tannant. Ouais. Mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être se présenter notre équipe de pingouins qu'on a personnalisé nous-mêmes. Ben oui. En jeu. Fait que... Ici, ben, je vais vous le décrire. Est-ce que tu as donné un nom à ton équipe d'abord? Non, j'ai pas donné. Tap to name team. Je peux choisir mon nom d'équipe. Choisis le nom d'équipe. Je savais même pas c'était quoi. Je vais les appeler les curieux pingouins. Curieux pingouins? Les curieux pingouins sont composés de 5 pingouins vachement différents. Merveilleux. Le premier, c'est Aztec Esteban, qui est un Aztec, un Maya. C'est pas la même chose d'un Aztec et un Maya, mais tu sais, dans ce genre-là, il a un afro, il est albinos, se promène avec une petite toge de Mexicain et a une lance dans la main. Fait que c'est lui qui commence tous les tableaux, c'est lui qui part en premier. Une belle tunique verte quand même. Oh oui, c'est très très beau, un beau poncho. Oui. Ensuite, c'est la vache sacoche. Parce que oui, c'est un pingouin, mais tu peux choisir sa couleur de peau, comme l'autre est albinos, lui de couleur de vache. Il a deux grands bois, et donc c'est une vache avec du panache. Elle porte une jaquette. Oui. Tu peux voir ses fesses. C'est comme une jaquette d'hôpital. C'est une jaquette d'hôpital. Mais elle a full des gros bas musclés aussi. Fait que c'est pour ça qu'elle s'accroche. Okay. C'est une vache, mais bien, bien bourrée aux stéroïdes. C'est une beef, là. C'est genre ça sort, puis c'est déjà en beurre. Là. Okay. Ça baratte. Ben voyons donc. Fait que ça, c'est après que Sec Esteban ait découvert les premiers pièges du tableau, c'est elle qui continue. Puis là, quand elle meurt, c'est autour du docteur fromage. Okay. C'est le pingouin a une peau de fromage. Il a aussi un petit genre de stéthoscope sur le front. Je sais pas comment ça s'appelle, mais moi ça fait penser à un docteur. C'est un truc de docteur qu'il y a dans le fond. Oui. Mais je sais pas c'est quoi. Ça peut-être un nom. On va voir dans les accessoires. Ah ben oui. C'est l'œil miroir du docteur. Mais t'as pas besoin d'être un vrai docteur pour le porter. Ok. Il a aussi une camisole. Ben, je trouve ça très drôle parce que c'est pas professionnel qu'un médecin se promène en camisole. Puis aussi des mitaines de four. Vu que c'est un fromage. Ben, parce que c'est un fromage puis parce que t'as besoin de te protéger les mains pour faire des opérations. Ah! Aussi des mitaines de four avec des fleurs. C'est un drôle de docteur. C'est malade. Là, docteur fromage est pas très habile. Donc après, on tombe à la diva punk. Ça, Ça, c'est la pingouin qui a le plus de caractéristiques différentes possibles. Ah, c'est un golem, puisqu'elle a une peau de pierre. C'est aussi une diva, une chanteuse d'opéra, parce qu'elle a comme les gros seins en métal. Ah, oui, oui. Elle a aussi un bandeau de ninja et des cheveux de pong, donc un mohawk. Ah! Donc, elle, c'est tout. Elle, il n'y a rien qui... Personne qui dit non. Elle est comme, moi là, j'aimerais ça aujourd'hui être faite de ça. Est-ce que c'est elle qui a le meilleur ratio de victoire, mettons, dans tes niveaux? Oui, quand même. Elle et Dr. Fromage, ils sont quand même assez solides. OK. Et, juste avant la fin, celui qui réussit à me terminer les tableaux avant de mourir, c'est un vampire. Il est seulement en noir et blanc, sauf pour sa cravate. Il a des petites dents de vampire et un petit chapeau. Et c'est le comte Las Chance. Ah, c'est comme un jeu de mots. Ben oui, puis ça fait quand même un peu européen comme nom, là. Oui, oui. Comme ben les vampires contre Dracula et tout ça. Fait que ça, c'est l'équipe des curieux pingouins. 5 pingouins complètement différents, mais qui ensemble forment un tout incroyable. Pour ma part, vous aurez compris avec le segment précédent, en fait, le segment beaucoup plus précédent, que j'aime beaucoup la lutte. J'ai créé donc la team WWE. Non. Oui, et non pas WWF, parce que ça, c'est des animaux. Hein, ça aurait pu être la WWF, vu que c'est des animaux. C'est vrai. C'est très drôle. Savais-tu, il y avait un méchant dans Suicide Squad qui est déguisé en panda. C'est vrai? Qui travaille pour le Joker. C'est très drôle. S'il avait travaillé pour le pingouin, ça aurait été encore mieux pour notre jeu, mais non. Fait que mon premier, c'est John Cena. En fait, il y a un skin américain, c'est des lignes blanches avec des étoiles puis du bleu. Il y a un chapeau de marine avec une veste pare-balle avec des projectiles puis des gros bras. Fait que c'est un gros marine américain comme John Cena. Donc un fusilier marin. On a Daniel Bryan. Pour ceux qui connaissent Daniel Bryan, c'est celui qui a les cheveux longs avec la grosse barbe, là, la chèvre qu'il l'appelait. J'y ai mis une chemise carottée, comme qu'il porte tout le temps, avec une barbe de Père Noël, puis des cheveux longs, là, comme lui. Là. Okay, il ressemble vraiment beaucoup. Oh ouais. On va mettre des photos sur notre page Facebook, et il ressemble vraiment à Daniel Bryan. Puis j'ai mis un skin bleu, vu qu'il est à SmackDown. Oh. J'ai CM Punk. CM Punk, celui qui a quitté... Ouais, The Coach. Il a quitté la WWE pour le UFC, premier match le 10 septembre, j'ai vraiment hâte. J'y ai mis des bois de cerf avec des ailes parce qu'il a pris son envol puis il est allé son chemin. Mais il a quand même gardé ses caractéristiques. Il a une étoile comme Chicago sur son gilet. C'est un gilet rose avec une étoile parce qu'il supporte le cancer du sein. Ah ouais, on l'a dans notre cœur. Ouais, vraiment. J'ai Randy Orton aussi, la vipère. Il a un skin un peu comme un serpent là, avec une peau en écaille. Une grosse tête de dragon. Là. Une grosse tête de dragon, puis un habit avec des espèces de tentacules bizarres dans le dos, là, comme si c'était un monstre. Là. Une grosse vipère méchante. Là. Fait que Randy Orton, vu que c'est son surnom, la vipère, ben, j'ai dit je vais lui donner des caractéristiques de vipère. En tout cas, là, recevoir un RKO out of nowhere contre ça, contre un dragon, ben, j'aurais peur. Ça ferait fucking mal. Et on termine avec Brock Lesnar. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Il fait des souplesses, mais il est habillé en football parce que Brock Lesnar, il a fait du football avant de commencer la WWE. Il a eu un background de lutte amateur, puis après ça, il est allé dans la NFL, il a fait un essai, puis finalement, ça n'a pas marché, fait qu'il est allé à la WWE. Ce qui fait que Brock Lesnar est habillé en football pour cette raison. Ah, mais ça fit. Ben, c'est vraiment cool. Ben, j'ai trouvé des caractéristiques pour chacun des lutteurs, puis c'est pour ça que c'est une team WWE qui fit. Je trouve que c'est bien parodié. Ben, puis, sérieux, on a deux équipes complètement différentes, mais c'est toutes faites avec les mêmes costumes au final. Ouais, là. Puis ils ont chacun leur charme là, en tant que tel. Ton équipe est quand même vraiment cool parce que c'est une équipe qui est diversifiée puis qui a des concepts différents. La mienne, c'est tout sur le même concept. Mais c'est un concept qui se rejoint, puis ça parodie quelque chose qui existe dans la vraie vie. Là. Ok. Mon Dieu, je pensais pas qu'il y aurait autant de possibilités de trop de cours qu'on pourrait faire avec ce jeu-là. Qu'est-ce que j'entends? C'est le coucou déjà. Ah, c'est l'heure du coucou. Ça veut dire qu'il faut quitter notre maison de campagne 17 Avenue des Pins? Oui. Mais ne t'en fais pas, il y en aura d'autres des fins de semaine comme ça, où l'on pourra échanger et avoir du plaisir ensemble dans notre maison de campagne, au 17 Avenue des Pins. Salut Guillaume, salut Max, à bientôt. Bye. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale. D'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Lemieux. De retour la semaine prochaine, toujours mercredi, 19h.